On va commencer, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. La semaine passée, on avait terminé le darf, on avait expliqué al-shirku, le ta'a, le shirk dans l'obéissance. Et puis, on avait expliqué tout ce qui se rapporte à ce sujet-là, par exemple, en ce qui concerne l'obéissance aux dirigeants et aux ulama, dans tout ce qui est contraire avec la révélation d'Allah, soit ce qui vient d'Allah ou ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ne doit pas suivre aveuglément les dirigeants et les ulama, si qu'est-ce qu'ils nous ordonnent de faire est contraire avec l'ordre d'Allah et le son messager. Maintenant, on a même mentionné des versets qui prouvaient ça aussi, et parmi les versets qu'on a mentionnés, c'était par exemple وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas d'après, celui qui juge par autre, non, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là sont les non-croyants. Donc, on voulait faire comprendre aux frères cette chose-là, mais là, il y a un autre détail aussi qu'on doit comprendre maintenant, parce que j'ai voulu essayer de clarifier un point à la fin la semaine passée, mais avec le temps qui était un peu court, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Maintenant, Inch'Allah, je vais essayer de me reprendre et essayer de réexpliquer cette affaire. Parce que beaucoup de gens sont tombés dans des formes d'extrémisme à cause de ce verset. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ils ont, le verset qui dit, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là sont les non-croyants ou les kuffars ou les kafirouns. Alors, certains parmi certains écrivains contemporains ont écrit des livres, des tafsirs ou des livres d'explication du Coran, et ils ont parlé de ces versets-là. Mais ils l'ont expliqué d'une façon, en se basant juste sur leur point de vue, sans retourner au tafsir des ulama de l'islam, okay, et sans retourner aux paroles des salaf. Alors, ils vont expliquer ça comme d'une façon qui pousse les gens après à tomber dans des formes d'extrémisme. D'accord? Et ça les a amenés à décrire les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de kufr et des sociétés qui sont en dehors de l'islam. Et donc, ils se sont permis, à cause de ça, de prendre les armes contre les gouvernements et d'essayer de faire des attentats. Et même d'attaquer la population au nom de l'islam, au nom du hukum, du ma'anzar Allah et tout ça. Ok? C'est pour cette raison-là que les ulama ont essayé d'expliquer, de clarifier le contexte et la signification de ce verset pour que les gens ne tombent pas dans l'erreur que certains extrémistes sont tombés là-dedans. On sait que dans le passé, on en a parlé plusieurs fois, on a parlé des Khawarij. On a parlé des Khawarij, qui est une des sectes parmi les musulmans qui déclare toute personne qui commet un péché grave comme étant un non-musulman. Ils considèrent que la personne qui commet un péché sort de l'islam, devient kafir. Et ils considèrent que son sang et ses biens sont licites pour les autres. Alors ça, c'est une forme d'extrémisme. Et ces gens-là sont venus depuis bien longtemps, même que c'était le premier groupe qui s'est séparé du corps des musulmans. Okay? Donc, ce groupe-là, ou cette secte-là, eh bien, elle a continué à exister à travers le temps, elle se manifeste de temps en temps, elle disparaît de temps en temps, mais elle continue toujours de réapparaître et leurs idées, elles reviennent tout le temps. D'accord? Alors, parmi les musulmans contemporains, il y en a eu qui ont eu ces idées-là. Quand il y a eu des problèmes avec dans certains pays, parce que dans certains pays, par exemple, on a trouvé que certains pays musulmans ont accepté ou permettent l'alcool. Il y a des endroits dans lesquels les musulmans ont vendu de l'alcool ouvertement, où les péchés, certains péchés sont pratiqués sans qu'aucune punition soit appliquée. D'accord? Ou, par exemple, c'est clairement des lois faites par les hommes qui sont appliquées et des lois faites par les hommes qui sont complètement en opposition avec la loi d'Allah. D'accord? Alors ces gens-là, automatiquement, se sont précipités et ils ont voulu appliquer le verset qui dit « Celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là sont des forts. » Alors ils ont pris ça, ils ont dit « Bon, ça y est, ces gouvernements-là ne sont pas musulmans et tous ceux qui sont satisfaits de ce gouvernement, eux aussi, sont non musulmans. » Donc toute la population yani, doit prendre les armes et se révolter contre ces dirigeants-là. Et donc à cause de ça, yani, ça a créé beaucoup de problèmes parce que quand ils ont vu que par exemple la majorité de la population s'est pas mis de leur côté, mais ils les ont déclarés en dehors de l'islam eux aussi. Et donc c'est ça qui a causé que on a vu dans plusieurs pays musulmans des gens qui exécutent et qui tuent d'autres musulmans ou qui font des attentats, font exploser des gens, font sauter des gens au nom de l'islam. Et ça, c'est des formes d'extrémisme qui ont été interdites dans l'islam. Et tout ça, ça part de quoi? Ça part du fait qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça signifie. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ils n'ont pas suivi la compréhension des salafs à ce sujet-là. D'accord? Donc, on va lire un passage de ce que les ulama ont dit à ce sujet. Et puis, après, on va revenir à notre livre. C'est juste pour donner quelques clarifications. Donc, le cheikh, il mentionne les paroles d'un des ulama, c'est Ibn al-Jawzi. Dans son livre, ça c'est dans son tafsir, Zad al-Masir, c'est Ilm al-Tafsir. Donc, Ibn al-Jawzi dit, « وفي المراد بالكفر المذكور في الآية الأولى قولان أحدهما أنه الكفر بالله تعالى والثاني أنه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقل عن الملة. » Donc le chef il dit que le كفر dont il est sujet dans ce verset, un verset dont on a parlé, « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ce كفر là, cette mécréance là, elle concerne, elle a deux significations, ou elle a deux façons de, on a deux façons de, elle a deux niveaux, si on veut. Ce kufr là, dans ce verset, il a deux degrés, ou deux niveaux. Un, c'est-à-dire le kufr billah, c'est-à-dire la mécréance totale, celle qui est en dehors de l'islam. Et l'autre, selon le contexte, c'est seulement une mécréance qui est en bas de ce niveau-là. C'est-à-dire, ça ne peut pas sortir de l'islam, sauf que c'est un grave péché. Et Allah l'a appelé kufr, mais ce n'est pas un kufr qui te fait sortir de la religion islamique. Et là, le cheikh il va expliquer qu'est-ce que ça signifie. وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر ومن لم يحكم بما أنزل الله ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. Donc qu'est-ce qu'il explique le chef, il dit, et la distinction ou la façon de bien distinguer entre ces deux formes de kufr, c'est-à-dire celui qui fait sortir de l'islam et celui qui ne fait pas sortir de l'islam au sujet de ce verset, c'est de le distinguer de la façon suivante. Il dit, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, tout en niant le jugement ou le verdict d'Allah, alors qu'il le connaît, alors qu'il connaît ce qu'Allah a révélé, mais il le renie, alors, comme par exemple ce que les Juifs ont fait, alors celui-là, il est mécréant, il est en dehors de l'islam. Et après, donc ça c'est la première catégorie, celui qui rejette le jugement, qui refuse de juger par ce qu'Allah a révélé et qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, mais à cause qu'il rejette le verdict d'Allah ou le jugement d'Allah. Celui-là, il est en dehors de la religion. Ça, il n'y a pas de doute. Le deuxième cas, c'est, comme le cheikh l'explique, « Woman ومن لم يحكم بما أنزل الله ميلا إلى الهوى من غير جحود. L'autre cas, c'est celui qui juge pas selon ce qu'Allah a révélé, mais parce qu'il suit sa passion, il penche vers sa passion. Hein? Il a un désir. Par exemple, quelqu'un qui sait, par exemple, l'interdiction de l'alcool, mais il décide d'en boire. Pas parce qu'il rejette l'interdiction de l'alcool, mais parce qu'il a un désir, une faiblesse dans sa foi, qui l'empêche de s'empêcher de le boire. Donc, il fait ce péché-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas cru en l'interdiction de l'alcool. Si tu lui demandes, est-ce que tu crois que c'est interdit de boire de l'alcool? Il te dit, oui, je sais que c'est interdit et j'y crois. Alors, tu lui dis, mais pourquoi tu bois? Il va te dire, parce que je suis faible et j'ai un problème, des choses comme ça. Il va t'expliquer. Mais celui qui a rejeté complètement les verdicts d'Allah ou la loi d'Allah, tu lui dis, pourquoi tu bois de l'alcool alors que tu sais que c'est interdit? Il va dire, je m'en fous, c'est pas interdit, et puis même si c'est interdit, je m'en fous, je veux rien savoir, je fais ce que je veux. Ça, c'est deux attitudes différentes. Le premier qu'on a mentionné, l'exemple, celui qui, il le fait, mais il le fait pas par rejet de la loi d'Allah, il le fait seulement parce qu'il a une faiblesse ou parce qu'il suit ses désirs, celui-là, il n'est pas en dehors de l'islam, il est toujours musulman. Mais l'autre qui le fait par rejet complet, alors celui-là, il est bien sûr en dehors de l'islam. Et après, le cheikh, il dit une citation qui a été rapportée selon Ali ibn Abi Talha, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et Ibn Abbas, comme on sait, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua pour lui. Et il a demandé à Allah, Allahumma faqqihu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Il a fait un dua pour Ibn Abbas. Et il a demandé à Allah de lui donner la compréhension de la religion et de lui enseigner l'interprétation du Coran. Et aussi, on l'appelle Turjuman al-Quran. On l'appelle celui qui traduit le Coran. On va écouter le azan et on va continuer après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, on va continuer à expliquer la parole de Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il a dit, "Man jahada ma anzala Allah faqad kafar." Celui qui a complètement renié ce qu'Allah a révélé, alors lui, il a mécru, il a pas cru à Allah, il a rejeté la foi. "Waman aqarra bihi, wa lam yahkum bihi, fa huwa zalimun fasiq." Donc, Ibn Abbas, il dit, celui qui a confirmé ce qu'Allah a révélé, c'est-à-dire il y a cru et puis il l'a accepté, mais il n'a pas jugé selon ce qu'Allah a révélé, malgré qu'il y croit, alors celui-là il n'a pas renié, et donc il est un injuste et un fasiq, un pécheur, mais il n'est pas en dehors de la foi. Après le cheikh il dit وقد ارتضى هذا المذهب أبو جعفر الطبري في تفسيره فإنه قال فكل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده لنبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. Donc le cheikh il explique que l'imam Abu Ja'far al-Tabari dans son tafsir il a supporté la même position que celle de Ibn al-Jawzi et il a choisi cette position là comme étant la position qui était la bonne interprétation pour ce verset. Il a dit toute personne qui ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé en rejetant ce verdict ou ce qu'il a révélé, alors il n'a pas cru en Allah. Comme Ibn Abbas a dit, car, de la même façon que ce que Ibn Abbas a dit, pourquoi? Parce qu'il a renié le verdict d'Allah après l'avoir connu. Ok? Et après avoir su que Allah l'a révélé dans son livre. Et ça, c'est comparable à celui qui rejette de croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète après avoir su qu'il est vraiment un prophète. C'est-à-dire après que quelqu'un a su que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et après qu'il décide de nier sa prophète, qu'il soit un prophète. Donc c'est égal, le fait de renier le verdict d'Allah, c'est égal à renier que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Ça c'est dans Jami'ul Bayan al-Tabari. Après, il mentionne dans le tafsir de l'imam al-Qurtubi, il dit « وقالت القرطبي في تفسيره قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله Incha'a azzabahu wa incha'a ghafara lah. Donc, l'imam al-Tabari mentionne dans son tafsir que Ibn Mas'ud wa al-Hassan ont mentionné que ce verset-là est général pour toute personne qui refuse ou qui. Non, est général pour toute personne qui ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, que ce soit les musulmans, les juifs ou les non-musulmans en général. C'est-à-dire, en croyant que ce qu'il fait est halal, ou en croyant que de ne pas juger par ce qu'Allah a révélé est quelque chose de permis. Si tu crois que c'est permis de juger, si tu crois que c'est permis de ne pas juger selon ce qu'Allah a révélé, alors là, c'est comme si tu es en droit de l'islam, comme les juifs, les chrétiens et les coupables en général. Mais si tu le fais en sachant que qu'est-ce que tu as fait c'est haram, c'est interdit, mais tu le fais par faiblesse comme on a expliqué tout à l'heure, alors ceux-là sont parmi les musulmans qui sont les pécheurs, parmi les désobéissants. Ceux qui font des péchés parmi les musulmans, c'est la même chose. Alors l'imam il dit son affaire va être remis à Allah le jugement dernier. S'il veut, il va le punir, et s'il veut, il va lui pardonner. Donc, il sera sous la décision d'Allah, selon sa décision finale. C'est lui qui va, c'est Allah qui va juger, est-ce qu'il va lui pardonner ou est-ce qu'il va le punir. Après, il mentionne la parole de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui était le mufti de l'Arabie Saoudite avant le Cheikh ibn Baz. En fait, c'était le cheikh Ibn Baz, celui qui a, je pense même que Cheikh Ibn Baz avait étudié 40 ans avec lui. Donc, c'était lui l'ancien moufti de l'Arabie Saoudite. Et il était connu pour sa force de caractère et tout. Donc, le cheikh, il a dit, rahimahullah ta'ala, « وَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْهِ الْكُفْرِ مِنْ قِسْمَيْهِ كُفْرِ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فهو الذي لا يخرج من عن الملة فهو الموافق تفسير ابن عباس وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وذلك قوله رضي الله عنه كفر دون كفر وقوله أيضا ليس بالكفر الذين تذهبون إليه وهو بأن تحكمه أو تحكمه شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الصدق فهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها فإنهما معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها أو لم يسميها كفرا نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على التحكم إلى كتابه انقيادا ورضا ورضاء إنه ولي ذلك والقادر عليه Donc le Cheikh il répète encore cette explication là en ce qui concerne celui qui juge d'après autre que la loi d'Allah ou qui ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, il parle de la deuxième catégorie, celle qui ne peut pas sortir de l'islam, et il dit que c'est en accord avec l'explication du tafsir, l'explication de Ibn Abbas, du verset « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Il dit, c'est en accord avec l'explication « كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ » c'est-à-dire un kufr qui est en dessous du degré du kufr qui fait sortir de l'islam, c'est-à-dire ça fait, c'est pas un kufr, ce kufr-là qui fait sortir de l'islam, et ça c'est dans quel cas? C'est dans le cas où la personne suit ses passions ou ses désirs dans un jugement ou un verdict particulier. Ouais, il y en a qui disent al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Al-kufr al-amali, c'est le kufr yani, qui c'est-à-dire un péché, une contradiction avec les croyances, avec les pratiques de l'islam. Mais al-kufr al-i'tiqadi, c'est le kufr yani, quand tu as fait quelque chose qui a un rapport avec la croyance. Tu as rejeté le verdict d'Allah dans ton cœur, alors là, yani, tu as sorti de l'islam. Mais comme le cheikh il dit par exemple, on va dire que un dirigeant ou un juge, quelqu'un, son neveu ou son petit-fils a fait un crime, il a volé. Alors il vient devant lui et là on l'accuse d'avoir volé. Et il y a les témoins, il y a les preuves. Le juge sait que la punition pour ça c'est de couper la main. Sauf que, parce qu'il suit sa passion, il refuse d'appliquer ce verdict. Et il décide d'un autre verdict moins sévère. Mais il dit pas, par exemple, il dit pas, par exemple, qu'il rejette, ou bien, il agit pas d'une façon pour montrer qu'il a pas cru réellement. Il sait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est une erreur et tout. Sauf qu'il a jugé par rapport à sa passion. Dans ce cas-là, on peut pas dire que, le verset s'applique comme pour dire qu'il est en dehors de l'islam. Parce qu'il a suivi sa passion dans ce verdict-là. مع اعتقاده ان حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطا ومجانبه الصدق. Donc celui-là il sort pas de l'islam, sauf que son péché est parmi les plus grands des grands péchés, comme l'adultère, le bas de l'alcool ou de voler, ou etc. Et ça c'est plus grave encore, le fait de ne pas juger selon ce qu'Allah a révélé, c'est plus grave parce que c'est un péché qu'Allah a nommé comme étant un kufr, tandis que ces autres péchés-là, Allah ne les a pas nommés comme étant un kufr. Donc celui qui l'a mentionné comme étant un kufr, même si ça ne fait pas partie de l'islam, mais c'est quand même parmi les plus grands péchés. Et il a demandé à la fin, en faisant un dua à Allah, de rassembler les musulmans vers le jugement selon son livre, et de nous soumettre et de nous satisfaire à ce verdict-là. Et il est capable, de faire quelque chose pareil, c'est-à-dire de nous rassembler sur la vérité. Donc, pour résumer la position, on peut dire que de juger selon, de ne pas juger selon ce qu'Allah a révélé, ben, c'est pas à un seul degré, comme on a dit. C'est divisé en, c'est en deux degrés. Un degré qui fait sortir de l'islam, un degré qui ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Et le celui qui fait sortir de l'islam, le degré qui fait sortir de l'islam, on peut donner plusieurs exemples de ces cas-là, on peut le diviser en deux catégories. Le premier, c'est ceux qui jugent parmi, d'après les lois qui sont contraires à la charia, et qui sont satisfaits de ça, et qui l'ont choisi, dans tous les aspects de la vie, et qui croient que ces lois-là sont meilleures, plus complètes, et meilleures que la, ce qu'Allah a révélé. Et ils croient que, de juger selon ces lois-là, c'est égal à de juger selon, c'est équivalent à juger selon la charia de l'islam. Alors le chef dit cela, il n'y a aucun doute que ce sont des gens qui ont sorti complètement de la religion islamique. Parce qu'ils se sont donné le, la permission de rendre halal ce qu'Allah a interdit, et de rendre haram ce qu'Allah a permis, et de croire que les êtres humains ont le droit de légiférer et de faire des lois contraires à la religion. La deuxième catégorie, le deuxième degré, catégorie, parmi la de ceux qui ont sorti de l'islam, il dit c'est ceux qui ont obéi à ceux qui ont changé la loi d'Allah et qui sont satisfaits et qui sont convaincus de leurs opinions. C'est-à-dire ils sont convaincus des opinions de ceux qui ont rejeté la charia d'Allah et qui sont satisfaits par les lois fabriquées par les êtres humains. Comme ils croient que la loi qui s'applique dans les pays musulmans ou non musulmans, mais qui sont contraires à l'islam, ils croient que ces lois-là sont correctes et tout, même si c'est pas eux qui l'appliquent ou qui jugent, mais ils sont d'accord avec le système et tout, et ils veulent pas que ça change, au contraire, ils sont en support, en accord complet avec ce qui se passe. Alors ceux-là, le chef il dit que ceux-là aussi sont en dehors de l'islam. Et la troisième catégorie, le chef il dit, c'est ceux qui sont, qui n'ont pas, qui ont été comme forcés ou qui ont pas une décision d'eux-mêmes. Eux, ils croient que le verdict d'Allah et la loi d'Allah c'est ce qui est le mieux, c'est ce que les gens doivent suivre. Et ils reconnaissent ça. Mais ils ont dépassé la vérité, puis ils ont fait des erreurs, ils ont fait le contraire de ce qu'ils devaient faire. Ils ont désobéi à Allah et à son messager, et il dit, le cheikh, que ça c'est, un, c'est une chose qu'on appelle, comme le frère a dit tout à l'heure, al-kufr al-amali. Mais étant donné que, yani, ils l'ont pas accepté, ils n'ont pas cru en ça, ils savent que qu'est-ce qu'ils font c'est contraire à la vérité, ils savent que le qu'est-ce qu'on doit appliquer, qu'est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qui est le meilleur pour toute l'humanité, c'est la charia. Mais à cause, soit parce qu'ils ont, ils ont par exemple une incapacité, c'est-à-dire ils sont pas en position pour changer les choses, ils sont pas capables de les changer directement, ils ont pas la force nécessaire pour être capables de le changer, il y a d'autres personnes au-dessus d'eux qui les empêchent de pouvoir faire les choses nécessaires pour les changer et tout, ou pour toute autre raison de ce genre. Alors ces gens-là, bien entendu, ils sont pas en dehors de l'islam, sauf que ils ont fait un grave péché, et c'est de cet exemple-là qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait de ceux qui sont en dessous du degré de, du kufr. Ils ne sont pas en dehors de l'islam, mais l'action qu'ils font, ça s'appelle aussi un kufr. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Après, il y a un autre exemple, c'est l'exemple de ceux, par exemple, aussi qui sont pas en dehors de l'islam, parce qu'ils sont ignorants de ce que la charia signifie. Ils ne connaissent pas les règles de la charia, ils ne connaissent pas non plus quoi que ce soit des règles de la religion, c'est juste qu'ils sont nés dans des pays où les lois étaient contraires à l'islam, puis ils sont habitués à ça, ils n'ont jamais su non plus qu'est-ce qui est en contradiction entre l'islam et ces lois-là. Alors le chef il dit que ces gens-là, étant donné qu'ils sont éduqués comme ça, ils ont grandi comme ça, qu'ils n'ont jamais été mis en contact avec des gens pour les éduquer et pour leur donner l'explication sur ce sujet-là, alors il dit que ces gens-là, il faut qu'on les éduque, qu'on leur enseigne leur religion, qu'on leur explique les obligations et les choses qu'ils doivent savoir. Mais bien entendu, on ne peut pas dire qu'ils sont en dehors de l'islam. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de sagesse, il faut faire preuve de patience avec les musulmans, surtout à l'époque où on vit, parce qu'on sait que on est dans une période d'ignorance et on est dans une période de faiblesse et dans laquelle les musulmans sont très éloignés des enseignements de l'islam, du Coran et de la Sunna et tout. Alors, à cause de ça, beaucoup de musulmans font des choses, disent des choses, et ils prennent des fois leur religion de sources qui ne sont pas tellement authentiques, mais qui ne sont même pas bonnes du tout. C'est-à-dire la télévision, les médias, les journaux, et tout ce qu'ils lisent, des fois, ils y croient. Alors, des fois, à cause de ça, ça les confond, sont un peu confus en ce qui concerne ce sujet-là. Ils ne savent plus exactement où se retourner pour aller demander des questions, etc. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas se précipiter, comme on avait expliqué la dernière fois, pour déclarer quelqu'un comme étant en dehors de l'islam ou comme étant non-musulman, etc. Ça, c'est des choses qu'on devrait laisser à ceux qui sont bien ancrés dans la science islamique et qui ont une connaissance profonde des règles de l'islam. Et donc, on ne doit pas nous s'attarder à essayer de déterminer ça, excepté, bien entendu, si c'est quelque chose qui est clair comme le soleil, c'est-à-dire quelqu'un qui rejette quelque chose de bizarre ou quoi que ce soit. Bon, nous, en nous-mêmes, on peut savoir que telle ou telle chose, c'est un acte ou une parole de coffre, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dépasser ça pour essayer de l'appliquer à quelqu'un d'autre. On peut savoir le verdict en général comme une règle mathématique qu'on peut appliquer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit essayer de l'appliquer à des individus, parce qu'on ne connaît pas leur situation, on ne connaît pas leur état. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.